Que ce triste Venise autant des amours mortes. Que ce triste Venise quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais la nuit les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent sous les niaquets de silence creux. Et que le corps se serre en voyant les gondoles abriter les bonheurs de couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux dessus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tende pas. Et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait d'escorte. Adieu pont de soupir, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on ne s'aime plus.